aujourd'hui, Continent Science, Stéphane Delisgorges. J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité. Et bien voilà, en ouverture donc de ce rendez-vous dans son nouvel horaire, au mi-temps de l'après-midi. Donc toute la série Culture Science à 16h maintenant. Et toujours bien sûr en direct de la maison de la radio, de la maison ronde. Bonjour à toutes, bonjour à tous. À notre sommaire aujourd'hui, eh bien, tout simplement une revue qui s'appelle Espèce avec un S et qui va être le prétexte à regarder parmi la multitude des sujets possibles, des curiosités animalières, l'allaitement, la lactation, la naissance des mamelles et puis aussi la façon qu'ont les insectes de se refroidir. C'est parmi les deux thèmes principaux. Et avec moi, pour... cette revue, bien sûr, sa directrice qui est Cécile Breton, accompagnée de Thomas Le Tallec, il travaille au muséum, il est biologiste éco-évolutionniste, et puis Damien Charabidze, il est maître de conférence, ça va être long, je vais définir, responsable du département d'entomologie de l'unité de taphonomie médico-légale de la faculté de médecine à l'université de Lille. Mais pour respecter nos habitudes, tout de suite la chronique animalière. Pour cette chronique animalière, aujourd'hui, je retiens un perroquet. Le grand Vaza, alias Charocopsis Vaza, originaire de Madagascar. Parmi les 300 espèces de perroquets, l'utilisation de l'outil est relativement rare. Certains cacatoès utilisent des pierres pour tambouriner sur les troncs d'arbres, tandis que la rayacinthe, lui, utilise des bâtons pour récupérer des noix ouvertes. Grâce aux observations de la biologiste Megan Lambert de Grand Vaza, rejoint le club exclusif des perroquets qui utilisent des outils. Ainsi, il est le seul animal, à part l'homme, à avoir été observé en train de moudre certains éléments. Le Grand Vaza est donc un oiseau meunier. En 2013, la biologiste remarque que les Grands Vazas du parc animalier de Lincolnshire semblent lécher des coquilles de coques qui bordent le sol de leur enclos extérieur. Mais quand Lambert regarde de plus près, elle remarque qu'ils tiennent un caillou ou un noyau de dinde dans leur bec et qu'ils le frottent contre ces coquilles. Dans la nature, les perroquets Vaza sont sociables et curieux, ils explorent, ils manipulent sans arrêt des objets. En captivité, ils manipulent encore plus. Et les coquillages qu'ils broient sont constitués de carbonate de calcium et ce sont donc, dans la nature ou dans ce parc, ce sont donc un besoin qu'ont les oiseaux pour fabriquer les coquilles de leurs œufs. Lambert pense que les Vazas utilisent les cailloux et les noyaux pour broyer ces coques et libérer le calcium qui est en leur sein. D'autres oiseaux mangent des coquillages et cela pour la même raison. Mais les Vazas, eux, sont les seuls connus à préparer de la sorte ces coquilles. Ce qui est très étrange, c'est qu'il y a peu de femelles qui travaillent à récupérer ce calcium. Mais qu'il y a plus de mâles. En fait, au cours de la parade nuptiale et de l'accouplement, les mâles Vazas passent beaucoup de temps à nourrir les femelles avec des repas régurgités. Peut-être que la teneur en calcium de ces fluides est une indication sur la qualité du mâle comme compagnon. Dans la sélection sexuelle, bien sûr, et au cours de quelques mois, la scientifique Lambert, toujours, a observé 10 grands Vazas interagir avec des coquillages et au moins 5 d'entre eux broyer des coques avec des cailloux ou des noyaux. Un oiseau, en particulier un mâle, du joli nom de Gidi, est un utilisateur d'outils très prolifiques et permet qu'on lui emprunte même ses derniers. À 10 reprises, Lambert a vu l'un des perroquets femelles emprunter et chaparder, en somme, l'outil d'un autre. Généralement, Gidi, lui, tolère qu'on le vole, entre guillemets. Il est tout à fait unique que les outils soient transférés directement entre les oiseaux. Ce n'est pas couramment observé dans le règne animal et cela peut fournir des indices quant à la façon dont ce comportement s'est développé. Maintenant, les chercheurs doivent déterminer si les oiseaux apprennent à utiliser les outils par eux-mêmes ou, bien sûr, par le biais d'un apprentissage de leur père. Si ce comportement influence leur réussite à l'accouplement, et enfin, s'ils utilisent d'autres outils à l'état sauvage et s'ils sont capables d'en faire encore autre chose. Bonjour Cécile Breton, bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Merci. Bonjour Thomas Le Talec. Bonjour. Et bonjour à vous, Damien Charabidé. Bonjour. Alors, première chose d'abord, vous avez eu l'initiative d'une revue, je dois le dire, qui est absolument sans égal, sans comparaison, est totalement dévolue au monde animal, sur tous ses aspects. C'est cela. L'idée, c'était vraiment de réunir en fait l'ensemble des sciences naturelles et aussi un peu de géologie d'ailleurs, parce que c'est les sciences aussi de la vie et de la terre. Par rapport à ce qui existait déjà, en fait, il y avait des revues qui étaient spécialisées par espèce, etc. D'ailleurs, d'excellentes revues comme Insectes, comme La Garance Voyageuse, etc. Mais c'était un peu risqué, d'ailleurs, de faire quelque chose, de réunir les sciences, parce qu'on a toujours un peu... On imagine un peu que les gens qui sont passionnés de certains sujets sont un peu monomaniaques, c'est-à-dire qu'ils vont surtout s'intéresser à leur sujet de prédilection. Et puis, donc c'est assez généraliste dans l'ensemble, mais c'est aussi vraiment axé uniquement sur les sciences naturelles. Et l'idée, évidemment, première, c'était de faire intervenir les scientifiques, c'est-à-dire de vraiment passer par les chercheurs d'abord, par le réseau qu'on avait constitué déjà, parce qu'on a créé j'avais créé une autre revue il y a une dizaine d'années sur les sciences de la vie et de la Terre, et aussi histoire sur la Corse, hein, qui s'est terminée il n'y a pas très longtemps, mais qui a quand même duré une bonne dizaine d'années. Et ça, c'était un vieux rêve de faire une revue d'histoire naturelle aussi. Je m'aperçois que plus je me demande pourquoi j'ai fait ça, et plus je me dis qu'en fait, finalement, je me suis fait plaisir. J'ai un peu fait la revue que j'avais envie de lire, quoi. Bah, vous avez fait plaisir à beaucoup, en tout cas. Hein, vous avez bien fait. C'est difficile de savoir si il y a d'autres gens qui ont envie de, justement, parce que dans l'édition, on dit souvent que faire un truc qui nous fait plaisir, c'est le meilleur moyen de se planter, en fait. Mais finalement, c'est ce que mon ancien patron dans l'édition me répétait tout le temps. Mais finalement, non, je découvre qu'effectivement, il y a des gens comme moi aussi. Bon, alors là, on est face au numéro 18, c'est un bimensuel, c'est le numéro 18 qui roule, trimestriel, qui roule de décembre à février, donc c'est le dernier, il est là, vous pouvez l'acheter, donc on mettra ça bien évidemment sur notre site, et il a sur sa une, le troisième œil ancestral, les surprises de l'évolution, les serpents et les lézards sans pattes, et l'étonnante origine des glandes mammaires, ce qui va être donc notre première préoccupation. Comment les mamelons et ces glandes qui permettent la lactation sont survenues par bifurcation successive, selon le hasard et la nécessité de cette histoire, puisque tout est histoire sous la question de la biologie. Alors, avant d'aborder cette lactation, vous avez écrit quelque chose qui est très émouvant. Dans le dernier numéro, vous avez perdu votre chien, dit Darwin, alias le colonel. Oui, en fait, j'ai hésité longtemps, hein, parce que faut savoir que le contenu de l'espèce, c'est vraiment des articles qui sont des objets très... On essaye justement de pas être dans l'émotion, dans l'objectivité, etc. Et donc cet article, il vient un peu... je me suis posé la question de savoir s'il fallait vraiment que je le fasse. Puis finalement, je me suis interrogée sur ce que me faisait cette perte de mon chien, dans quelle mesure j'avais vraiment fait trop d'anthropomorphisme sur mon chien, est-ce que c'était, et qu'est-ce qui lie en fait les hommes alors à d'autres animaux comme celui-ci, et ça m'a permis de calmer un peu ma peine aussi, d'être et de trouver des raisons rationnelles. Et puis d'un autre côté, souvent les scientifiques, ils ont cette image de froideur hein, qui fait que voilà, on étudie les choses, donc on essaye de s'en détacher. Et je pense que c'est important, il faut faire cet effort d'objectivité, mais on a le droit aussi d'aimer les bêtes hein, quand on étudie les bêtes. Certes. Voilà. Et donc c'est. Vous avez une jolie formule d'ailleurs. Vous rappelez qu'il y a 8 millions de chiens en France, que dans cette Corse dont vous parlez aussi, vous êtes rendu compte au moment de la perte de cet animal que vous recherchiez. Évidemment, on peut le comprendre avec beaucoup d'inquiétude, qu'il y avait quelques manques, il y avait peu de refuges. Et puis vous avez comme formule finale, le colonel, c'est certain, a servi à faire de moi un peu ce que je suis. À l'évidence, c'est d'abord le premier animal qui a été domestiqué par l'homme. Ils ont pratiquement coévolué ensemble, hein, d'une certaine façon. C'est un exemple de coévolution qui n'a pas d'équivalent, même avec le chat qui a été domestiqué. Ah non, qui reste un sauvage, lui, c'est un féral. Oui, tout à fait. Ouais. Et donc, on se demande, effectivement, on sait, parce qu'on a toujours eu la tendance à regarder la domestication comme une action de l'homme sur les autres animaux, mais finalement, c'est un échange aussi, un peu. Alors, évidemment, ils ne nous ont pas transformés comme la domestication a transformé le chien, mais quelque part, ils nous ont aussi un peu domestiqués. Donc, on peut s'interroger sur ça, de savoir. Qu'est-ce qu'on aurait été si on n'avait pas eu de chien? Oui, c'est vrai, parce que ça a beaucoup aidé les chasseurs-cueilleurs, bien évidemment. Ça a beaucoup aidé les humains du avant qu'arrive le néolithique. Hein, oui, bien sûr. Et puis même et après aussi, les bergers. Et encore, on a cet exemple d'associations qui sont incroyables. On voit passer des troupeaux sans les bergers. Oui. Et ce sont des animaux incroyablement sociaux dont les comportements de meute sont absolument exceptionnels. Confère Jouventin, quand il a vécu, Pierre Jouventin, le biologiste, et son beau livre, ce qu'il a écrit sur son compagnonnage familial dans un petit appartement avec une louve exceptionnelle dans ses réactions. Oui. Bon, passons. La louve, tétine. Donc, est-ce que c'est vous, Thomas Le Terrier, qui avez proposé, puisque c'est une manière de faire, à Cécile Breton de cet article? Parce que c'est extraordinaire, ce thème, bien évidemment, on va le voir tout de suite. Oui, c'est moi qui ai proposé cet article à la rédaction de la revue Espèce. En fait, c'est un sujet que j'ai eu l'occasion de découvrir tout à fait par hasard il y a quelques années au cours de mes études à l'université de Brest. Je suis tombé sur un article de la revue scientifique BMC Biologie qui expliquait dans un court article comment est-ce que les ancêtres des mammifères seraient passés donc d'une glande cutanée qui avait pour unique fonction d'assurer un rôle essentiellement immunitaire, enfin entre autres en tout cas, et comment est-ce qu'on est passé de ça en fait à par la suite une glande qui avait non seulement un rôle immunitaire au regard des juvéniles, mais également et surtout un rôle nutritionnel. C'est quelque chose que j'ai trouvé très intéressant, voire fascinant, et j'ai eu envie d'en faire un article. Donc je me suis documenté là-dessus, j'ai fait des recherches bibliographiques et j'ai essayé d'en faire une synthèse que j'ai soumis donc à la rédaction de la revue Espèce, et il faut croire que ça a plu puisque ça a été... Et voilà, il est présent cet article-là dans le dernier, alors que dans le dernier numéro, donc le numéro actuel de cette revue. On peut peut-être tout de suite poser la question des ancêtres, c'est-à-dire que évidemment ça c'est un caractère bien particulier. Si on regarde la généalogie en bon cladiste, on va dire donc il y a eu un ancêtre commun pour tous ces porteurs de mamelles, bien évidemment, parce que c'est un trait important, bien sûr, et qui va faire le départ. Donc, est-ce qu'on a quelque idée des proto-mammaliens? Mais en fait, si on regarde aujourd'hui, donc chez la mamelle, la lactation, c'est un caractère donc spécifique aux mammifères actuels. C'est d'ailleurs un caractère qui permet de les identifier. Et l'ensemble des mammifères partagent ce caractère. On peut donc supposer que leur ancêtre commun avait déjà ce caractère. Et si donc on remonte à cet ancêtre commun, eh bien on arrive à il y a quelque chose comme 225 à 250 millions d'années, avec la lignée des thérapsides. Qui est donc précurseur, enfin, qui est juste avant donc l'apparition des mammaliaformes et des premiers mammifères. Donc, il faut croire que c'est à ce moment-là, c'est il y a à peu près 250 millions d'années, qu'a émergé donc le Trias. C'est ça, au Trias. Oui. Et parfois on les désigne comme des et ça choque de prime abord des reptiles mammaliens. Oui, mais d'ailleurs, enfin, le terme reptile prémammalien n'est plus tant que ça utilisé. Le guyadère Exactement, le coin triangulaire. Et le coin, un petit tour sur les doigts. Exactement, on fait un petit tour par là. Mais donc, oui, on va plutôt parler de, voilà, de lignée thérapside qui ensuite menait à ce que l'on appelle des mammaliaformes, donc précurseurs des mammifères actuels. On peut dire un mot des cynodontes aussi, peut-être, hein, les classer, là encore, dans cette lignée d'espèces. Qui sont dans les ancêtres, évidemment, et qui sont tous des organismes qui sont et ovipares, ceux-là, à cette époque, et endothermes. C'est ça, oui. C'est... Alors, cette caractéristique se partage aussi avec les oiseaux, sauf que eux n'ont pas de tétine. Oui, exactement. Et d'ailleurs, on pourrait dire que certains mammifères, à l'heure actuelle, partagent toujours certaines de ces caractéristiques. Ce que je pense ici notamment à l'ordre des monotrèmes, avec les échidnés, l'ornithorynque, qui sont encore ovipares, c'est-à-dire qui pondent des œufs. Et donc, le cynodonte, que l'on situe justement il y a à peu près il y a 225 millions d'années, qui appartient donc à la grande famille des thérapsides, est un précurseur, est un ancêtre des mammifères actuels. Alors on peut dire, et on va le voir dans le détail, mais vous avez parlé des ornithorynques, des monotrèmes, il y en a peu, et ils sont très très différents, puisque lui, le platypus, comme l'appellent les amis anglais, l'ornithorynque est un animal aquatique, et les deux autres sont comme des fourmiliers d'une certaine façon. Alors il y en a un grand, un petit, on le retrouve aussi en Guinée-Papouasie, ils ressemblent à des hérissons, et puis ils ont un petit bec tubulaire. Ils sont magnifiques. Et c'est étonnant. Très étrange et très intéressant à étudier. Et équipés de capteurs électromagnétiques. Ah, ceux-là, ils sont vraiment très perfectionnés. Quand on dit que c'est des archaïques, oui. ça n'a pas de sens. Ce qui est vraiment étonnant, c'est que ce sont ces glandes cutanées qui, au fruit d'un certain nombre de mutations, semble-t-il assez peu génétiquement, vont devenir des glandes mammaires. C'est invraisemblable, hein, c'est curieux en tout cas. Si on regarde la structure des glandes mammaires actuelles... Alors, quelle est-elle ? Elles sont en fait assez peu différentes des glandes cutanées. En fait, les glandes mammaires actuelles, chez les monotrèmes par exemple, on peut les apparenter à des glandes sudoripares. Peu différenciés. Par contre, chez les deux autres ordres de mammifères, à savoir les marsupiaux et les placentaires, là on a, je dirais, encore des glandes qui s'apparentent à des glandes sudoripares, mais un peu plus différenciées, un peu plus complexes. Mais là où ça change véritablement, c'est surtout au niveau de tout ce qui est la machinerie enzymatique. Et oui. En fait, dans les glandes cutanées, on va retrouver un certain nombre d'enzymes qui jouent des rôles antibactériens. Très important, oui. Exactement, puisqu'en fait, ces enzymes assument en fait le rôle de première barrière contre d'éventuels pathogènes. Première barrière donc pour l'organisme, pour se défendre. Or, eh bien, il semble qu'un certain nombre de mutations, par le jeu de duplication et d'accumulation ensuite de mutations génétiques, eh bien, il semble que ces enzymes est acquis, de manière tout à fait hasardeuse, eh bien de nouveaux rôles, à savoir des rôles nutritionnels. Et c'est donc de cette manière-là que l'on a pu obtenir les glandes mammaires actuelles. Alors, on peut dire donc que ces glandes sudoripares sont bien évidemment les glandes cutanées qui permettent donc de suer. C'est ça. Hein, tout simplement. Et que beaucoup de ces parties mobilisées dans cette affaire sont des follicules pileux. Hein. Oui. C'est donc la petite machinerie au bas du poil qui... En fait, si on regarde aujourd'hui ce que l'on trouve dans un follicule pileux, tout simplement, déjà on va trouver un poil, mais on va y trouver associé une glande cutanée, une glande sébacée qui sécrète donc du sébum, qui assume différents rôles. D'une part, il limite bien en fait la dessiccation au niveau du tégument. Bien sûr. Également, il assure en fait... Faut pas sécher. Exactement. Il assure aussi la lubrification du poil. Et également, le sébum en fait a un rôle antibactérien. Et tout simplement, les glandes mammaires, on suppose qu'à l'origine, donc, c'était des glandes cutanées qui étaient associées, qui auraient coévolué justement avec le système pileux, avec les follicules pileux. France Culture, Continent Science. Stéphane Delisgeorges. Et nous voilà toujours et continuons, penchés sur les mamelles de ce clade auquel nous appartenons et que nous partageons avec les cétacés qui sont aussi des mammaliens. Mais ceux-là, très grands, si on pense à la baleine bleue. Et puis, on va voir d'ailleurs rapidement les manières d'allaitement. Mais en tout cas, revenons donc sur la constitution, parce que vous la détaillez, hein, des glandes qui sont donc ces glandes mammaires. D'abord, elles sont pas comme les tissus. On peut dire tout de suite que ce ne sont pas des tissus conjonctifs comme les autres. Hein. On peut donner cette explication. C'est en lamelles. Hein. En fait, ici. Comment est-ce qu'on peut décrire la chose? Parce qu'il faut y mettre dans la globule aussi. Oui, en fait, si on regarde la composition à l'échelle donc des tissus d'une glande mammaire chez un mammifère, par exemple chez l'être humain, on va tout simplement avoir des cellules appelées cellules acineuses qui sont regroupées autour d'un canal. Et ces cellules acineuses, en fait, ce sont des cellules qui ont une sécrétion apocrine, c'est-à-dire qu'elles vont libérer des substances, et là en l'occurrence des substances nutritives, dans la lumière de ce canal. Donc, l'ensemble de ces cellules et des canaux auxquels elles sont annexées, sont regroupées sous la forme de lobules. Ces mêmes lobules sont eux-mêmes, à une échelle supérieure, regroupées sous la forme de lobes. Et chaque lobe possède... j'ai dit globule, moi, oui. Et chaque lobe possède, en fait, un canal collecteur que l'on appelle le canal galactophore. Et ainsi, chez la femme, on va retrouver plusieurs canaux galactophores qui s'abouchent, en fait, à la papille-mammaire. Du grec, rala, le lait, et fort, portant. Voilà. Alors, on va essayer, parce que généralement, les gens savent pas, connaissent mal cette division. On a déjà vu les monotrèmes, hein, qui sont donc des proto-terriens, c'est qui sont caractérisés par le clade. On peut donner la définition, hein, c'est que ils sont pas encore franchement des mammifères à part entière, ou en tout cas ce qu'on considère comme terriens. Donc on a les proto-terriens, ces monotrèmes, et puis à l'autre bout les terriens. Où est-ce qu'on met les marsupiaux? Les marsupiaux, en fait, appartiennent à la grande famille donc des terriens. En fait, dans les terriens, on va distinguer deux ordres. On va distinguer les métatériens. Il s'agit donc des mammifères marsupiaux. Et on va distinguer les eutériens. Il s'agit ici, en fait, des mammifères placentaires, donc tels que l'être humain. Alors, ce qui, évidemment, est très étonnant si on s'arrête sur les marsupiaux, c'est évidemment cette poche tout à fait étonnante qui est le refuge, le lieu, l'endroit où se fait la fin de la gestation. On peut dire qu'il y a une néoténie très très forte, hein, oui. Parce que quand un petit kangourou naît, il est absolument minuscule. Hein. C'est ça, en fait, il faut savoir que chez les marsupiaux, la durée de gestation est très courte. Si on prend par exemple le wallaby tamar, la durée de gestation est de seulement 26 jours. J'ai l'impression. Oui, je l'ai repris dans mon article. Oui. La durée de la gestation n'est que de 26 jours. Lorsque le petit naît, il est totalement immature. Il se réfugie donc dans cette poche, dans la poche marsupiale. Le marsupium. Exactement. Où il va rester en fait attaché en permanence en fait à une tétine, à la mamelle de sa mère. Et il va y rester attaché à peu près une centaine de jours. Et tout au long de cette phase, en fait, il va téter. Et ça va lui permettre en fait de poursuivre son développement et d'arriver petit à petit à maturité. Et chez les marsupiaux, en fait, la durée de la lactation est très très longue par rapport à la durée de la gestation. Donc je rappelle, au wallaby tamar, 26 jours de gestation pour 300 jours de lactation. Oui, et parfois c'est plus long. Alors évidemment, il y a tout un jeu, parce qu'on se pose la question de l'œstrus, c'est-à-dire qu'il peut y avoir plusieurs générations en particulier. Alors là, c'est vraiment absolument fascinant. Moi, j'ai appelé ça, je me suis permis d'appeler ça une espèce de lactation différentielle. Mais il faut imaginer qu'il y a une rangée de mamelles à l'intérieur de ce marsupium, et qu'il va y avoir des types de mamelles, c'est-à-dire qu'au départ, les petits, ceux qui viennent de naître, qui font même pas un centimètre, sont accrochés à une mamelle d'un certain type qui fournit un certain type de lait, et puis on va jouer trois fois l'affaire. Hein? C'est ça, c'est incroyable. Ce qui est assez particulier. Thomas Letalec. Ce qui est assez particulier chez les marsupiaux, c'est que. Alors. D'une part, il va y avoir une évolution importante de la composition du lait, oui, au cours du développement du juvénile. En fait, on va distinguer trois stades à la phase d'allaitement. Et Pour chacun de ces stades, en fait, on a une composition bien précise, qui est en fait la composition optimale pour le juvénile, qui est donc à un âge donné. Et la particularité, la deuxième particularité, eh bien, c'est ce que l'on nomme en fait la lactation simultanée asynchrone, c'est-à-dire que chaque glande mammaire va produire un lait de composition différente, en fonction donc de l'âge des juvéniles. Donc si on a un juvénile, par exemple, qui a seulement quelques jours, eh bien, il va disposer d'une mammelle avec un lait d'une composition donnée. Donnez-la, c'est mais intéressant, si vous vous en souvenez. Comment ? Donnez-la, la composition, par rapport aux glucides, parce qu'il y a une grande variation entre les glucides et... Il y a une grande variation, oui. En fait, la quantité de glucides, le taux de glucides, en fait, dans le lait, pendant les deux premières phases de la lactation, les 200 premiers jours, la quantité de glucides est très importante. Puis, lors de la dernière phase, en fait, elle va diminuer. Pourquoi est-ce qu'elle diminue ? Eh bien, c'est tout simplement parce que le juvénile, à ce moment-là, commence à s'initier, si j'ose dire, à l'herbivorie. Et oui, il va commencer à manger des plantes, il sort. Ça. Par contre, les lipides et les protéines lui sont encore fournis donc, par le lait maternel. Oui. Ça ne vous semble pas extraordinaire? Mais c'est une découverte de tous les instants, chaque article, justement, dès qu'on commence à vraiment observer les choses d'un peu près, même sur des animaux qu'on a l'air de connaître, etc. Mais on parlait du chien, mais justement les animaux qui sont très proches de nous. Dès qu'on rentre un peu dans le détail, justement, c'est ce que j'essaye de faire, d'amener les gens à rentrer un peu dans ce détail qui peut demander un petit effort de compréhension parfois, mais on découvre des choses qui sont extraordinaires et surtout qui remettent en cause nos idées, souvent sur la façon dont nos idées reçues sur l'évolution, sur la classification des espèces, justement. Les monotrèmes, c'est un exemple. C'est aussi l'ornithorynque, c'est un de mes animaux favoris, parce que c'est justement, c'est un peu... est-ce qu'on peut classer les choses vraiment définitivement aussi clairement que ça? Est-ce que... Et donc voilà, c'est une image du monde vivant qui est très... Grave question épistémologique que vous posez là, parce que est-ce qu'on peut considérer que la seule chose qui soit réelle, c'est l'espèce, et après ce sont que des constructions de langage, donc on tombe dans le nominalisme intégral, mais en tout cas, juste avant cette petite respiration musicale que va nous proposer Dany Journeau, tout de suite, on peut dire en tout cas que la maman ornithorynque se couche sur le dos et que les poils récupèrent de ses glandes mammaires le lait, et les petits roses, tout roses, sont là couchés sur le ventre de la maman et lèchent ce que cette douce mère exude, le lait. Voilà franchi le mi-temps de ce rendez-vous de Continent Science, dévolu entre autres pour ce début à la lactation, dans la présentation que nous voulons faire et la soutenir de cette revue Espèces aujourd'hui. Alors On peut se poser d'autres questions. Évidemment, qu'est-ce qu'on aurait pu oublier d'essentiel, Thomas Dalek, dans cette affaire? Puisque le temps court, malheureusement, il y aurait tellement de choses intéressantes à vivre. D'abord, petite question que je vous pose, c'est pas dans le papier, mais pourquoi est-ce qu'on a gardé les tétines, nous, alors qu'elles servent à rien? Alors, comment se fait-il que nous, on ait aussi des mamelons? Oui, effectivement. Effectivement, enfin, chez l'homme, par exemple, on peut se demander à quoi est-ce que ça sert. Alors à ça, il y aurait plusieurs réponses. Tout simplement, enfin, ici, c'est un caractère qui, a priori, chez l'homme, ne semble pas apporter d'avantage, mais d'un autre côté, il n'apporte pas non plus nécessairement d'inconvénients. Donc, en ce sens-là, il est conservé. Mais également, à ceci près, et vous avez attiré mon attention là-dessus il y a peu, il y a une espèce de mammifère chez qui le mâle allaite. La seule espèce hein, que, pour laquelle... Alors évidemment, ce sont des glandes mammaires qui sont absolument actives. Bon, le mâle, donc... ça sert de relais un petit peu hein, à une lactation évidemment très très inférieure en volume à la femelle, mais messieurs donnent le sein chez ces chiroptères de 4 à 5 cm d'envergure et qui sont ma foi très charmants. Hein. C'est ça, il s'agit donc d'un chiroptère, une chauve-souris, il s'agit de Diacopterus spadiceus, donc une petite chauve-souris frugivore qu'on trouve en Malaisie à Bornéo. Oui. Et les mâles, effectivement, ont des glandes mammaires qui sont actives. Alors ici, plusieurs questions donc se sont posées, à savoir quel était le rôle ici assumé par ces mâles. Et bien, il semble qu'ils peuvent en fait venir aider en quelque sorte la femelle et ça pourrait en fait permettre à ce qu'il y ait davantage de petits gérés par les parents ou voire davantage de gestation au cours d'une année. Daniel Charabidze, est-ce que vous pourriez accepter de dire là encore que c'est une incroyable invention? Parce que on peut penser à des choses, par exemple, très simples. Évidemment, dans la généalogie de l'homme, on voit que à un moment, la station debout va venir, qu'il va y avoir, bien sûr, un grand développement parce qu'on est aussi une espèce néonatale, hein, d'une certaine façon, néoténique, je vais y arriver, et qu'on a besoin de beaucoup se développer, pour devenir homme, il faut perdre ses poils. Donc, il faut qu'on devienne glabre parce qu'il faut qu'on court. Donc, on voit un caractère très, très secondaire. Mais, par exemple, les singes ne peuvent pas courir comme des fous parce qu'avec leur fourrure, eh bien, ils mourraient de chaud et d'impossibilité d'évacuation. La mamelle, cette glande nourricière, qu'est-ce que vous en pensez? Votre réaction à chaud comme ça. C'est très intéressant, mais ça répond à une contrainte qu'on retrouve finalement de manière assez importante chez beaucoup d'espèces. C'est-à-dire que les petits sont particulièrement fragiles et qu'à un moment, tout ce qui permet d'augmenter leur survie, leur probabilité d'atteindre l'âge adulte et de devenir autonome, en tout cas d'avoir la capacité de se reproduire ensuite, eh ben, ça va conférer un avantage décisif à l'espèce. Et donc la lactation, ça en fait partie, puisqu'on va apporter directement aux petits de la nourriture qui va permettre de se développer et donc d'avoir un avantage pour la suite. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve, cette contrainte de permettre aux générations d'atteindre un stade autonome très rapidement. Oui. C'est quelque chose qu'on retrouve à toutes les échelles. Et là, c'est important parce qu'on voit évidemment que tout change, puisque les oiseaux, qui n'ont pas ça, sont bien sûr, la femelle souvent reste au nid, le mâle va chercher la nourriture, et puis après, il faut qu'ils partent tous les deux pour nourrir la couvée. Alors que là, il y a une situation de relation parentale, et en particulier maternelle, qui est, ils sont toujours au chaud. Les petits mammifères, on est toujours au chaud. On est protégés, et on a la nourriture garantie. On est bien. Oui, et il n'y a pas les aléas de ce que vont trouver, comme asticots, certains oiseaux. Oui, alors donc c'est l'objet d'un des articles qu'on a publié dans la revue Espèce. Oui. qui a été proposé. Cette question de température dont vous parlez, ce qu'on pourrait appeler les stratégies thermiques d'optimisation thermique, en fait tout simplement comment être à la bonne température pour pouvoir faire ses activités de manière efficace. C'est une question qu'on retrouve chez beaucoup d'animaux et particulièrement chez les animaux de petite taille, chez les insectes, qui sont soumis plus que d'autres aux variations de la température de leur environnement. Quel sens de la transition que vous avez, Damien Charabidze? C'était une perche offerte. Et oui, ces insectes, ils vont être obligés de réagir au changement de la température de leur environnement, et donc ils ont cette problématique, comment réguler leur température de manière efficace. Allons-y. Alors, Les insectes perçoivent, bien évidemment, avec beaucoup de précision, semble-t-il, hein, d'après ce que vous écrivez, la température, ses limites, ses variations, avec des thermorécepteurs. Où sont-ils? Comment sont-ils? Alors, des thermorécepteurs, on en a des organes sensoriels sur les insectes. Il y en a beaucoup d'endroits. Ils sont vraiment, contrairement à ce qu'on pourrait avoir chez d'autres animaux, ils sont pas localisés spécifiquement au niveau de la tête. On en a sur les pattes, on en a pour les insectes qui se déplacent en volant. On a pas mal de récepteurs au niveau des ailes. Les récepteurs thermiques, ça va dépendre des espèces, mais il y en a sur une bonne partie du corps. Souvent, ils sont latéralisés. Donc, il y en a à gauche, droite pour permettre de détecter des gradients, donc de remonter vers une source chaude ou froide, de s'orienter. Et ces récepteurs, donc, ils vont permettre à l'individu de se positionner dans son environnement thermique. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un insecte, pour la plupart des espèces, il va avoir très peu de capacité de créer de la chaleur, de réguler sa température de manière endogène, c'est-à-dire de générer sa propre chaleur ou son propre refroidissement. Et donc, le plus simple, finalement, c'est de profiter des variations qui vont exister dans son environnement. Et pour ça, l'insecte va évoluer soit horizontalement, soit verticalement, et puis aussi dans le temps, pour se positionner dans les zones qui lui sont les plus favorables. Vous distinguez deux types de mécanismes dans votre article. Vous dites que le premier mécanisme donc pour arriver à cette thermorégulation, c'est elle est essentiellement comportementale, on peut dire. C'est ça. Ça va être, par exemple, des insectes qui vont s'exposer, des insectes qui ont une couleur plutôt sombre et qui vont s'exposer face aux rayons du soleil pour capter la température, pour capter la chaleur, les infrarouges, et se réchauffer. On a par exemple une espèce de mouche qui est intéressante. Alors c'est une mouche qui est étudiée parce que c'est une mouche nécrophage, donc qui se développe sur les cadavres, et qui va être utilisée pour l'adaptation du décès. Donc c'est un insecte qui est relativement bien connu. Et cette mouche, on l'a trouvée sur des corps de personnes qui étaient mortes en haute altitude, dans des crevasses au milieu des glaciers, parce que cette mouche a la capacité de se positionner, elle est sombre, elle va pouvoir se positionner sur une surface qui est blanche, qui est réfléchissante, et même dans un environnement où la température est proche de zéro, et ben elle va être active et elle va pouvoir se développer, venir pondre des œufs et permettre d'accéder à des ressources que d'autres insectes n'auraient pas pu coloniser. Alors, comme exemple aussi de mécanisme endogène, Damien Charabidze, vous parlez des mouvements que certains peuvent faire, hein, contractions répétées, des muscles rapides, quoi. C'est exactement comme nous quand on tremble. Un tremblement de froid, c'est simplement pour produire de l'activité musculaire. Donc on va dépenser de l'énergie. Quand on dépense de l'énergie, il y a un effet mécanique. Si vous frottez vos mains très fortement une contre l'autre, ça chauffe. Quand on fait frissonner des muscles, ça chauffe, ça dégage de la chaleur. C'est une perte d'énergie. Mais cette perte d'énergie, dans certaines circonstances, elle va nous permettre de nous réchauffer. Et on a la même chose chez les insectes. On a une application qui est très intéressante, qui est chez les abeilles. Certaines espèces d'abeilles pour lutter contre le frelon asiatique, qui va envahir la ruche et qui va massacrer les populations d'abeilles. Et ben ces abeilles, pour se défendre, elles vont toutes s'agglutiner autour du frelon et puis elles vont se mettre à vrombir des ailes et elles vont augmenter leur température. Alors chaque abeille va très peu chauffer, mais comme on en a beaucoup, elles vont réussir progressivement à augmenter la température jusqu'à un seuil qui devient pour elle supportable, mais qui est létale pour le frelon. Alors ça se joue à un demi-degré, mais ce demi-degré de différence, il permet au frelon de mourir et aux abeilles de survivre. Il le grille sur place. Voilà, elles se font un petit, une petite grillade, et en tout cas, elles sauvent comme ça la colonie. C'est un comportement récent, puisqu'on sait en tout cas que c'est une des espèces invasives que cette guêpe là. Oui, donc, le frelon asiatique qui pose des vraiment des problèmes dans les élevages, entre autres problèmes puisqu'il n'y a pas que ça qui porte atteinte aux abeilles, mais malheureusement. Alors l'analogue, on peut dire, du sang chez les insectes, l'hémolymphe. Voilà, pardon, je trouvais plus le terme, c'est l'hémolymphe. Et là encore, vous donnez des précisions qui sont intéressantes, qui sont tout à fait étonnantes même, puisque à certains moments, un insecte va mobiliser ses muscles thoraciques. Et donc, il va réchauffer sa circulation de son liquide analogue au sang, voilà que j'oublie encore le terme, et qui ensuite va faire passer tout ça dans l'abdomen. C'est ça. Bah, en fait, comme chez les insectes, on n'a pas de système circulatoire à proprement parler. On n'a pas un cœur centralisé. On n'a pas de système respiratoire non plus. En tout cas, pas centralisé non plus. On a une diffusion passive. Donc, en gros, l'insecte va baigner dans l'intérieur de l'insecte va baigner dans ce liquide qui est l'hémolymphe. Et si on a une zone qui produit produit de la chaleur, on peut avoir des mécanismes de mise en circulation de cet hémolymphe pour aller réchauffer, récupérer la chaleur à un endroit et la redistribuer ailleurs. Oui. Donc c'est vraiment des mécanismes, finalement, c'est récupérer ce qu'on a produit pour que ce soit pas perdu, ou au contraire à l'inverse, on a un exemple chez le moustique, c'est une équipe française qui a travaillé là-dessus, il faut imaginer qu'un moustique, quand il prélève du sang, il va d'un coup passer d'une température ambiante, température interne de son corps, qui était de l'ordre de 20 degrés, une température ambiante, à une température du sang qui est ingurgitée. 37 degrés, s'il pique un homme. C'est ça. S'il pique un homme, c'est relativement chaud. Donc il va d'un coup se prendre 15-17 degrés à l'intérieur de lui-même. Donc c'est vraiment un réchauffement extrêmement brutal en quelques secondes. Et pour réussir à se refroidir, il peut excréter une goutte de sang et de liquide d'hémolymphe qui va permettre, en s'évaporant, de diffuser cette chaleur et donc de refroidir l'intérieur du moustique. Étonnant, là encore, je me tourne vers vous à nouveau pour savoir si vous avez une réaction. C'est un autre exemple. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, est-ce qu'on s'est jamais mis à la place d'un moustique qui allait nous piquer? C'est-à-dire que... Non, généralement, on tape dessus pour essayer de comprendre. Voilà. Mais voilà, c'est encore une fois, c'est une façon de voir les choses d'un autre angle. C'est une façon de découvrir des phénomènes qui sont extraordinaires en soi. Franchement, on n'a pas besoin d'aller chercher des extraterrestres pour trouver des objets d'émerveillement et donc qu'on ne connaît absolument pas, qui sont très peu diffusés dans le grand public, etc. Donc je suis toujours fasciné d'écouter ces jeunes scientifiques qui en plus savent capter l'attention et savent présenter les choses pour justement motiver la curiosité et puis ensuite donner envie d'aller plus loin et de lire justement peut-être des articles qui sont pas forcément de très grande vulgarisation mais qui vont permettre d'aller un peu plus loin et de découvrir des choses parce que plus on fait l'effort et plus on est récompensé. Alors, Cécile Breton, il y a une chose qui est tout à fait étonnante, là encore, pour jouer du paradoxe, puisqu'on est entre les endothermes et les exothermes, pour utiliser le mot, parce qu'il y a un mot savant qui est, peu importe, il est compliqué à prononcer, et on n'en a pas besoin ici, mais les oiseaux et les mammifères ont un métabolisme qui leur permet d'assurer donc leur stabilité de température. Et puis les insectes, au contraire, ou certains reptiles ont besoin de se mettre au soleil, par exemple. Eh bien, il y a chaque fois, exactement comme pour le cas de cette chauve-souris mâle qui est la seule repérée, peut-être qu'il y en a d'autres, et qui allaite, un mâle qui allaite, il y a une chèvre qui est comme un insecte qui est... dans une des îles espagnoles, peut-être pas les Baléares, mais en tout cas, il y a une caractéristique absolument invraisemblable, c'est que cette chèvre a un métabolisme habituel des mammifères, donc qui règle sa chaleur, mais pas suffisamment. Et donc, elle est endotherme et exotherme, et elle a besoin de se mettre. Alors, elle est de petite taille avec les phénomènes de réduction dans les situations d'insularité. Soit on devient très grand, comme la musaraigne de Cuba, qui fait 50 cm. Soit on est la plus petite, et c'est la musaraigne étrusque, qui est le plus petit mammifère terrestre au monde. Et là, il y a une chèvre qui vient juste nous contredire, là encore. Une fois qu'on a bien appris la leçon, vous devriez suggérer... si je peux me permettre, c'est le Breton, de faire quelque chose, à moins que vous en ayez parlé, Non, pas encore. Mais effectivement, oui. Mais vous savez, voilà, c'est ça le problème, c'est que... Enfin, c'est pas un problème, c'est un avantage. C'est qu'il y a énormément de sujets. Si on passe de la botanique à la zoologie, en passant par... parce qu'on est allé aussi dans des domaines comme la microbiologie, etc., c'est infini et ça m'étonne d'ailleurs toujours que en fait finalement dans la presse très grand public on en parle assez peu parce que peut-être qu'il y a cette clé aussi de je pense qu'aussi les gens ont un peu peur de la science il y a une espèce de truc un naturel, peu sacralisé. Non, je parle de la science en général. Ah oui. Les sciences naturelles justement ils en ont moins peur je pense mais il y a quand même la fête donc il y a la terminologie qui peut être compliquée à apprendre. Mais parce que souvent, d'ailleurs, c'est simplement une impression. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on n'est pas assez intelligent pour lire des choses qui rentrent dans ces détails-là. Je dis ça parce que simplement, je l'ai expérimenté moi-même quand j'ai commencé à faire j'ai un parcours un peu particulier. J'ai commencé à faire des arts plastiques. Mais j'avais toujours rêvé de faire de l'archéologie comme quand j'étais petite. Donc l'archéologie, c'est pareil. Et voilà. Et j'ai mis du temps à me lancer là-dedans parce que je pensais que je n'étais pas capable d'apprendre ça. Un petit commentaire là, à ce niveau, Thomas Altelec, avant qu'on aborde un petit peu, mais très rapidement et de manière conclusive avec vous, Damien Charavizé, la question de la datation, puisque vous travaillez, alors c'est un drôle de terme, hein, s'il faut l'utiliser, c'est l'unité, je l'ai dit au début, hein, de taphonomie, grosso modo, c'est de l'entomologie médico-légale. Hein. C'est mais, ça. Alors, un petit commentaire parmi ces choses étranges, où chaque fois, il y a un cas d'espèce, voilà. Là, c'est ça, d'une certaine manière, un petit peu la beauté de la nature, c'est oui. Qu'il y a toujours en fait, des exceptions aux règles qu'on pense avoir pu définir. Et ici, en plus, la problématique de la thermorégulation, thermogenèse, thermolyse, c'est quelque chose que je trouve absolument passionnant, à savoir comment est-ce que des organismes qui disposent de ressources énergétiques limitées, comment est-ce qu'ils vont allouer en fait ces réserves-là, sachant qu'ensuite la température eh bien, va déterminer tout ce qui est vitesse enzymatique, etc., ce qui est très important pour le métabolisme. Donc la façon de gérer tout ça, c'est quelque chose que je trouve d'assez fascinant, et notamment les compromis qui sont mis en place par les organismes sont assez fascinants. Alors les malices et les compromis, retour donc avec vous, Damien Charavizé, puisque vous avez aussi une partie où vous expliquez qu'évidemment il y a des situations où on mobilise l'extérieur et la manière de construire son habitat en particulier pour assurer de la thermorégulation. Vous prenez l'exemple des... Et là, alors c'est un vrai, vrai exemple de ce qui est d'une certaine façon très à la mode, en tout cas très travaillé, qui est la bio-inspiration. On parle même plus de biomimétisme, mais on parle de bio-inspiration et parler des termites. C'est ça, bio-inspiration, pour faire très simple, hein, c'est de postuler de manière assez logique et puis assez fainéante aussi, que plutôt que de s'embêter à trouver une solution, il suffit de regarder ceux qui ont déjà été confrontés au problème et depuis des milliers d'années, et que ces individus, ces organismes, des animaux ou des plantes, doivent avoir trouvé une solution, et qu'ensuite, il suffit de copier. Et donc, quand on fait ça, qu'on s'intéresse par exemple au problème de température dans les bâtiments, on a eu l'idée de regarder ce que faisaient les termites, qui vivent habituellement dans des endroits chauds, et qui vivent en société dans des grosses structures, des termitières, qui peuvent être plus ou moins compliquées, avec toute une variété de formes. Et généralement très grandes, souvent très grandes, 3 oui, mètres tout à fait, de, oui. De haut. Oui, avec des populations gigantesques. Oui. Et ces termitières, finalement, quand on regarde comment ça fonctionne, on a des mécanismes de circulation d'air qui vont permettre d'avoir une température qui soit assez stable, parce que c'est les conditions qui sont nécessaires pour la survie des individus, pour le bon développement des couvains, donc des jeunes. Et on a des chambres avec des températures qui sont très stables, et tout ça grâce simplement à la manière dont ces termitières sont assemblées, dont elles vont être ventilées et dont les échanges thermiques vont se faire. Et il y a des bâtiments qui se sont inspirés de cette structure des termitières pour avoir des bâtiments qui sont passifs, donc qui consomment pas d'énergie. Est-ce qu'on peut dire un mot là encore, parce que c'est une vraie curiosité, et c'est encore aussi, parfois j'abuse du mot malice, mais c'est encore une malice de ce scarabée de Namibie qui lui a trouvé une autre combine qui ressemble à celle de la mobilisation de la rosée que l'on sait maintenant utiliser en particulier, puisque même dans le désert, il y a le phénomène de rosée, et donc il y a avec le contact atmosphérique sur les surfaces de la production d'eau tous les jours, quelle que soit la température qu'il a faite, et s'il est très élevé en chaleur, la journée. Alors celui-ci, c'est quand même un drôle de... Allez, ça va être... je vais être taxé d'anthropomorphisme, mais c'est un mariole, hein, ce petit... Que fait-il ? Des espèces de scarabées qui se développent dans le désert, il y en a plein, et effectivement, ils ont à chaque fois des adaptations. Je sais pas duquel vous parlez. Alors celui qui fait des gouttes, il se met face au vent, et puis ça finit par ses alvéoles à récupérer. Oui, alors on a sur cette espèce-là, on a une structure de la carapace, de la cuticule, qui va lui permettre de condenser la rosée, et du coup, on a les mêmes mécanismes finalement. À partir du moment où on a du liquide, ça va permettre de refroidir individu. On a aussi dans les animaux qui vivent dans le désert un exemple assez marrant chez les lézards, où on voit cette espèce de lézard qui avance toujours sur deux pattes pour refroidir les pattes. Tout le monde a déjà marché sur le sable en plein été, on se brûle les pieds. Il a le même problème avec ses pattes, et donc il est toujours sur deux pattes. Il a une patte avant et une patte arrière qui sont levées pour les refroidir, et ensuite il intervertit, et comme ça il évite de se brûler les pattes. Alors Votre l'essentiel en tout cas de votre travail, de votre spécialité la plus précise, c'est cette entomologie médico-légale. C'est ça. Est-ce qu'elle est en grand progrès? Parce que au préalable de cette émission, en parlant avec vous, j'ai eu le sentiment que il y avait beaucoup de travail à faire et que vous êtes en progrès. Enfin, il y a encore beaucoup de connaissances. Alors, il y a encore beaucoup de connaissances à développer pour resituer un peu ça. Donc, oui. Le principe, c'est d'exploiter les insectes qui vont être présents sur un cadavre pour déterminer depuis combien de temps la personne est morte. C'est utile à partir de quelques jours après le décès, puisque la médecine légale ne va plus être en mesure de fournir cette datation. Et puis, tant qu'il y a des insectes, c'est-à-dire de quelques semaines à quelques mois après la mort. Et pour faire cette datation, on va utiliser donc les insectes qui sont présents. Alors ça, c'est assez ancien. On a un scientifique français qui s'appelle Ménien, qui a posé les bases de cette méthode à la fin du 19e siècle. Donc c'est pas tout neuf. Mais ensuite, ça a un peu stagné. Et puis, depuis les années 70, en gros, ça s'est un peu redéveloppé. Puis surtout, c'est devenu plus scientifique, plus professionnel. Ça, globalement, on sait plutôt bien le faire et on n'a plus vraiment tant de progrès que ça. On a peut-être même un peu régressé, c'est-à-dire qu'à une époque, on avait peut-être un peu trop confiance et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de paramètres qui jouaient, comme dans tout écosystème. Un cadavre, c'est un écosystème. Et donc, il y a beaucoup de paramètres qui vont jouer et on est obligé de prendre en compte ces paramètres et du coup, ça va rajouter des marges d'erreur. On va un peu perdre de la précision. Donc, c'est là-dessus qu'on travaille. Et pour vous donner un exemple très simple, chez les asticots, donc les insectes, les larves de mouches qui vont se développer sur les cadavres, qui vont décomposer les cadavres, qu'on va trouver en très grand nombre, on a un comportement social primitif, ce qu'on va appeler grégarisme. Donc ces asticots vont se regrouper et ça, on va avoir fréquemment des milliers, des dizaines de milliers d'individus. Et le fait que tous ces asticots se regroupent, on va retrouver ce qu'on avait chez nos abeilles, un dégagement de chaleur, et ce dégagement de chaleur, il va accélérer le développement de nos insectes. Plus il fait chaud, plus ils se développent vite. Donc ces asticots, en se regroupant, ils vont se développer plus vite. Alors ça leur confère un avantage, si on raisonne d'un point de vue finaliste, ça leur confère un avantage. Moins ils vont passer de temps sur les cadavres, moins ils vont risquer de manquer de nourriture ou de se faire attaquer par un autre insecte. Et donc ce comportement social, il accélère leur développement. Et si on raisonne cette fois-ci d'un point de vue non plus évolutif, mais d'un point de vue finaliste, oui. D'application, eh ben, on est obligé de prendre ça en compte quand on va faire une datation de décès, parce que si les insectes ont généré leur propre température, ils ne se sont pas développés à la température ambiante, mais à la température que eux avaient générée. Et donc, pour faire la datation, on va plus prendre la température de Météo France, on va prendre la température au sein de cette masse d'asticots, donc on a besoin de savoir comment elle apparaît. Alors, petite question que j'ai envie de vous poser, puisque vous travaillez dans cette chose, comment se sont faites les bifurcations? C'est-à-dire que vous étiez d'abord intéressé par le monde des insectes, par l'entomologie, et puis quel est votre itinéraire rapidement, en quelques mots? Mais oui, alors pour en arriver là, effectivement, c'est une question qu'on me pose souvent. J'ai pas de passion pour les cadavres, par contre j'avais une passion pour les insectes. Oui, bien sûr. De toute manière, c'est quelque chose il faut être passionné pour arriver dans la recherche. Je pense que les gens qui sont ici ne diront pas le contraire. Bien sûr. Et donc ma passion, c'était pour une passion pour les insectes, pour l'entomologie, pas spécialement pour les insectes nécrophages, mais voilà, par le chemin des études, des stages, des gens qu'on rencontre, j'ai découvert ce domaine-là. Et puis, il y a une chose qui est vraiment particulière, c'est d'avoir à la fois un aspect fondamental et un aspect applicatif. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, et du coup, qui m'a poussé à continuer. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on travaille sur des espèces qui ont été très peu étudiées, pour des raisons qu'on peut comprendre, élever des insectes qui se développent sur les cadavres, ça cause un certain nombre de désagréments. C'est des espèces qui ont été assez peu étudiées, du coup, il y a plein de choses à découvrir. Et oui. Et ça, c'est passionnant. Cécile Breton, peut-être pour finir, j'ai une requête. On n'aura malheureusement pas le temps de parler de ce troisième œil, d'ailleurs qu'ont partagé ses ancêtres, je pense aux thérapsides, mais j'ai une petite requête. J'ai ouvert cette émission avec un perroquet qui quand même fait quelques malices. Mmh. Mais est-ce que, alors j'aurais peut-être un trou parce que j'ai pas tout mémorisé les numéros, est-ce que vous avez déjà fait ou sollicité un article sur le Kea, cette espèce de diable perroquet de Nouvelle-Zélande qui amuse tout le monde parce qu'il finit par faire des boules de neige, il est mais absolument insupportable pour les Néo-Zélandais qui vivent avec eux. Ce perroquet moqueur qui est avec une activité incessante d'ouvrir des robinets, de de déglinguer totalement les voitures en arrachant les caoutchoucs des portes. Enfin bref, le KEA est un diable. Pas de Tasmanie, mais voilà. Pas loin. On n'a pas encore fait d'article là-dessus, mais comme je disais, effectivement, les sujets sont vastes. Infinis, bien sûr. Mais par contre, c'est vrai que ça, les oiseaux sont extraordinaires, quoi. Les corvidés sont passionnants pour justement l'intelligence dont ils font preuve, qui développent, et petit à petit, encore une fois, les barrières entre les espèces et nous ou les autres espèces s'amenuisent, sont plus lissées qu'avant. Avant, on faisait des grandes catégories, on cherchait justement quel était le propre de l'homme systématiquement, alors que finalement, maintenant on regarde plutôt les choses pour voir ce qui nous rapproche des autres animaux. Donc cette intelligence, elle est extraordinaire, mais c'est le principe de la phylogénie. Effectivement, on regarde plus ce qui nous relie aux autres que ce qui nous en sépare. Ben voilà, donc on arrive au terme de cette émission dévolue, il faut le dire, à travers ces exemples que nous avons pris, qui s'intitule Espèce, revue d'histoire naturelle. Il faut bien dire d'ailleurs que vous n'avez évidemment pas, on aurait pu le signaler dès le début, mais en tout cas vous êtes très indépendant. En tout cas, vous avez une autonomie, vous n'êtes pas une dépendance justement du Muséum d'histoire naturelle, comme certains le croient. Ouais. Et que vous avez toute une structure, un réseau amical qui vous a soutenu, qui vous soutient encore. Pas là d'organisme très différent. Effectivement, il y a des chercheurs du muséum, mais aussi beaucoup d'organismes, d'universités, CNRS, voilà. Partout en France. Je vous remercie beaucoup d'être venu à ce micro, Cécile. Merci Breton, à vous aussi, à Thomas Le Talec et puis Damien Charabitzé. C'était Continent Science. Évidemment, merci bien sûr de votre attention et de votre fidélité. Aujourd'hui, aux manettes, à quatre mains, comme au piano, Élise Leu et Edouard Rubinstein, à la documentation Thierry Beauchamp, à la réalisation d'Annie Journaud, Stéphane Deligeange, Continent Science et Balado Diffusé. Si vous voulez réécouter cette émission n'importe où, n'importe quand, vous reportez au site internet franceculture.fr. Et là, vous allez avoir la possibilité de nous télécharger pendant le temps d'une grande année. Demain, à la même heure, vous retrouverez René Friedman pour les révolutions médicales. Il me reste bien sûr à vous souhaiter un bel après-midi sur France Culture, sans oublier que jeudi, Aurélie Luneau, dans le cadre de la Marche des Sciences, va revenir elle aussi sur certains sujets concernant les animaux. On se fait donc une espèce de petite série animale entre donc la Marche des Sciences et Continent Sciences. Et tout de suite, bien sûr, les bonnes feuilles.